Chapitre 10. La mort de Ferdinand retarda d'une quinzaine de jours la demande en mariage que les parents de Raymond adressèrent au président d'Aubray. Celui-ci ne songea pas à dissimuler son contentement. Si les idées de Raymond et Vaine différaient des siennes, il trouvait à cet ennui une compensation fort appréciable dans la perspective du bel avenir qui attendait le jeune et déjà célèbre avocat. Or, il ne pouvait donner de dot à Ariane. Ce parti était vraiment brillant pour elle. Aussi félicita-t-il sa fille de cette conquête. « Je me doutais bien que tu y parviendrais. Il fallait une sirène comme toi pour vaincre le fier Évène. Ce qui me chagrine seulement, c'est qu'il va te convertir tout à fait à ses idées. » Le président n'ignorait plus le changement qui s'était produit chez sa fille. À Lézun, il avait vu avec stupéfaction, tandis que Paul demeurait froid et gêné, parler de Dieu à Ferdinand, le soutenir dans les affres des dernières heures par des consolations puisées aux plus pures sources évangéliques. Quand il lui en exprima sa surprise, un peu plus tard, elle répondit simplement « Je suis en effet chrétienne, comme le fut ma mère, comme vous l'avez été vous-même. » « Mais comment? Depuis quand ?»« Depuis quelques mois. Comment j'en suis arrivée là ?» Par la réflexion, l'étude, le contact avec de nobles âmes et par une grâce miséricordieuse qui m'a transformé. Le président laissa échapper un léger ricanement. Ajoute encore pour l'amour des veines, ce sera plus compréhensible, mon enfant. Elle dit avec une fière tranquillité, je m'attendais à cette parole, d'autres que vous penseront ainsi en me voyant partager les croyances de Raymond. Je ne les convaincrai pas de leur erreur, cela. Vous non plus, mon père. Je le regrette, mais après tout, il me suffit que mon fiancé soit bien certain de ma sincérité. Raymond l'interrompit. En raison du grand deuil des Daubray, le dîner de fiançailles eut lieu 2 jours plus tard, en très petit comité. Madame Berthe et sa fille n'y assistèrent pas. Elles ignoraient même encore l'événement. Paul, au retour de l'Essain, s'était arrêté à Lyon chez une parente où sa mère était venue la rejoindre. À leur retour, maintenant assez proches, Madame Évène se réservait de leur faire connaître ses fiançailles qui allaient tant faire souffrir sa jeune parente dont elle devinait les amers regrets. Paul apparut vers la fin de l'après-midi dans le cabinet de son cousin au moment où celui-ci se préparait à rejoindre Ariane qui devait se trouver près de ses parents. Elle portait un deuil élégant qui seyait à sa beauté blonde. Raymond s'informa de sa santé, de celle de sa mère. Elle répondit brièvement, puis lui apprit qu'elle venait le consulter au sujet d'ennui que lui suscitait le président d'Aubray. Raymond l'interrompit. « Pardonne-moi, ma chère Paul, si je t'engage à prendre conseil de maître Landier, dont tu as été fort satisfaite, m'as-tu dit, au moment de ton procès en séparation. » « Quant à moi, il m'est impossible de me mettre entre le président et toi. » Elle dit avec surprise. « Pourquoi ?» Il hésita au moment de prononcer les mots qui allaient briser le dernier espoir de Paul. Car il connaissait aussi le secret de celle qu'il avait repoussée naguère et maintenant l'aimait, essayait de le reconquérir. Son veuvage venait de renverser l'obstacle insurmontable. Elle pouvait espérer désormais et tenter la lutte contre Ariane. Ses yeux reprenaient le regard soumis et tendre de la Paul d'autrefois, avec un éclat de passion qu'il n'avait pas alors. Elle avait supprimé les fards que Raymond réprouvait, et son visage un peu fané, amaigri, avait encore un charme fin, assez émouvant. Mais l'illusion était morte à jamais au cœur de Raymond, qui en avait vécu pendant des années. Il sentait que, même ce cœur eût-il été libre de tout attachement, il aurait conservé pour Paul cette même pitié affectueuse et rien de plus. Elle répéta, voyant son hésitation, « Pourquoi ? Parce que je suis le fiancé de sa fille. » Il la vit devenir très rouge. Ses traits se tendirent un peu et ses paupières s'abaissèrent très vite pour cacher la souffrance que venait de refléter son regard. Elle dit, la voix un peu cassée, « Ah, vraiment ?» Ariane ? Puis le sang disparut de son visage. Les lèvres devenaient très pâles et le buste mince eut un léger fléchissement. Paul ! Il se leva, effrayé, croyant qu'elle allait se trouver mal. Sa main saisit celle de la jeune femme. Presque aussitôt, les paupières se soulevèrent. Paul dit très bas « Ce n'est rien, un petit malaise. Je me suis fatigué à Lyon. Je vais prévenir ma mère. » « Non, inutile. C'est fini, tu vois ?» Elle se souleva, se mit debout en s'appuyant au bras de Raymond. En cette fin de journée printanière, le jour qui déclinait, enveloppé de sa clarté légère, la jeune femme au visage blêmi, dont les yeux se détournaient pour ne pas rencontrer ceux de Raymond. « Je regrette de t'avoir dérangé. Tu as bien raison, mieux vaut que je m'adresse à Maître Landier. » Un coup léger frappé à la porte l'interrompit. Raymond dit « Entrez !» Un battant fut poussé et Madame Évène entra, suivie d'Ariane. Le visage de Paul s'empourpra de nouveau. Elle se recula un peu en s'appuyant au bureau de Raymond. Celui-ci alla au-devant d'Ariane, serra la main qu'elle lui offrait. Le regard de la jeune fille allait aussitôt vers sa belle-sœur. Il n'exprimait aucune surprise, mais seulement de la compassion. Madame Évène se dirigea vers Paul, qui ne bougeait pas. « Bonsoir, ma chère enfant, nous ignorions ton retour. Donne-moi des nouvelles de ta mère. » Paul répondit d'une voix sèche, distraitement. Elle regardait Ariane et Raymond. Sa main effleura légèrement celle que lui tendait la jeune fille. Elle referma son manteau d'un geste machinal et dit du même ton sec « Je pars, car j'ai encore des courses à faire. » « Reçois mes vœux de bonheur, Raymond. Toi aussi, Ariane. » Elle prit congé avec une sorte de hâte. Madame Évène dit à son fils, qui allait accompagner la jeune femme, « Non, reste, je vais la reconduire. J'ai à lui parler. » Quand la porte se fut refermée sur les deux femmes, Ariane murmura, « Pauvre Paul !» Évène la regarda. La lumière déclinante éclairait maintenant ses cheveux bruns, la blancheur de son visage, les yeux où paraissait une si tendre pitié de femme. Ariane ajouta « Quel bonheur elle a perdu !» Elle inclina un peu la tête sur l'épaule de Raymond. Des lèvres chaudes se posèrent sur sa joue. « Je suis triste de sa souffrance. J'aurais voulu la lui épargner, mais je ne puis regretter son abandon d'autrefois. Ariane, mon amour, quel délicieux reflet d'or ont vos cheveux ce soir !» À la grille du jardin, Madame Évène prenait congé de Paul. Elle dit en lui serrant la main très longuement « Viens plus souvent, nous causerons. Je voudrais te voir utiliser ta vie, ma pauvre enfant. » Elle regardait le visage blêmi, les yeux là, sous lesquels un cerne se formait. Paul eut un geste d'insouciance. « Oh, ma vie, je l'ai perdue, c'est fini maintenant. Tu peux encore en faire un bon usage. » « Promets-moi de venir me voir plus souvent. Au début de l'après-midi, je suis toujours seule. Promets-moi cela, mon enfant. Soit je viendrai pour vous faire plaisir, parce que vous avez toujours été bonne pour moi, en dépit de mes torts. Et puis, oui, votre force morale attire ma faiblesse, car je sais que je suis faible. Il m'aurait fallu une mère comme vous. La mienne a fait mon malheur. » Elle frissonna un peu et murmura douloureusement « Ah, pauvre maman, quel martyr je te dois !» Cet été-là, Raymond et Ariane, après un séjour en Norvège, allèrent passer le mois de septembre au Grand Sapin. Raymond voulait prendre contact avec des gens du pays, dont il devenait en quelque sorte le châtelain, et user du prestige que lui conférait sa situation pour exercer une influence morale sur les esprits trop souvent égarés. Car si épris qu'il fût d'Ariane, il n'était pas homme à oublier son devoir dans l'égoïsme habituel aux amoureux, et la jeune femme se montrait si fière et respectueuse de la supériorité morale de son mari qu'elle l'eût encouragé plutôt dans cette voie s'il en était besoin. Un après-midi, Raymond apparut sur la petite terrasse en face du roc d'enfer où Ariane travaillait à une broderie. Elle aimait toutes les occupations féminines et dirigeait son intérieur de façon à mériter les éloges de Madame Évène. Sur le désir de son mari, elle avait abandonné le barreau. Raymond estimait qu'une femme peut avoir un moyen personnel d'existence, mais que, mariée, elle se doit d'abord à son foyer quand l'époux est là pour subvenir aux besoins matériels. Ariane lui avait fait sans hésiter le sacrifice de son indépendance et se contentait d'être, pour lui, la compagne intelligente et compréhensive que demandait une nature de cette trempe. Il vint s'asseoir près d'elle et lui tendit une lettre ouverte. « De ma mère, elle me dit que Paul ne serait pas éloigné de suivre son conseil et de se remarier dans quelque temps. Elle plaît, paraît-il, au docteur Borel et elle-même le trouve à son gré, du moment où il ne s'agit que d'un mariage de raison. Il est bien, Borel, sérieux, pas très sentimental, mais bon et ferme. Il saura diriger sa femme sans rudesse. Paul ne sera pas malheureuse avec lui, je crois. Peut-être même arrivera-t-elle à l'aimer. Sa nature n'est pas très profonde et je me figure qu'elle se consolera assez vite en se voyant la femme d'un médecin considéré dont l'avenir s'annonce très beau. Je l'espère aussi. Ma mère, heureusement, a pu prendre en main la conduite de cette âme. Comme naguère de la mienne. Oh, toi, mon Ariane, tu marches sur ses traces. Tu deviendras semblable à elle. Comme je le voudrais !» La lumière de cet après-midi avait déjà la douceur des clartés d'automne. Sur le bleu pâli du ciel flânaient des nuages, semblables à de blanches houppettes. Un parfum de résine se mêlait à l'humide fraîcheur qui montait de la gorge. Ariane pencha la tête sur l'épaule de son mari en disant avec ferveur « Elle et toi, vous êtes des âmes fortes, des âmes de clarté. Vous attirez toutes les faiblesses pour les relever, pour leur communiquer un peu de cette chaleur divine, les éclairer de cette lampe ardente qui est en vous. » Elle s'interrompit en appuyant son front contre le visage de Raymond. Un grand frisson de joie la parcourut. Elle dit tout bas « Je craignais tant la nuit, mais tu es venu. J'ai connu ton Dieu et j'ai cru en lui. Maintenant, tout est lumière devant moi. » Elle se tut encore. Le visage de Raymond frémissait contre le sien. Elle répéta lentement, avec une allégresse enivrée « Tu es venu !» Fin du roman de Délie, La lampe ardente.